rentreediscount.com. Du bonheur pour toute la famille. Choisissez, commandez, profitez. L'an d'émotion. Un spectacle unique à voir cet été. 100 artistes, 40 animaux, 2 heures de spectacle authentique pour vous immerger au cœur des traditions landaises. Aussi émouvant que spectaculaire, l'an d'émotion vous fera vibrer en famille dans les plus belles arènes du Sud-Ouest. Réservez votre soirée. Programme et ville étape sur land-émotion.fr. Retrouvez l'an d'émotion ce jeudi 10 août aux arènes du courant de Mimizan. Tu me fais tourner la tête. Les établissements Rodier fêtent leurs 60 ans. Mon manège à moi, c'est toi. Souvenez-vous de ce petit plaisir d'été à Biscarrosse Plage. Rituel immuable après une bonne baignade, la gaufre faite devant vous depuis 1963. Et quand vous étiez bien sage, un petit tour de manège en plus. Pour nos 60 ans, venez nous rendre visite. La carte de fidélité des gaufres est de retour. Pensez à la demander. Maison Rodi, glace et sa fabuleuse machine à cornets, gaufres artisanales, confiserie, barbe à papa, manège et bon moment depuis 1963. Place du Faux. Pour votre santé, bougez plus. Vous souhaitez construire votre maison en bois, aménager votre extérieur ou rénover votre intérieur? Avec Batiland Bannière-Bois, vous êtes sûr de trouver de vrais conseils de spécialistes du bois pour vous accompagner dans vos projets. Depuis 20 ans, Batiland, zone de Pastebuche, rond-point de l'Hydravion à Biscarrosse. Batiland, l'univers des matériaux. Plus d'infos sur www.batiland.fr. Vita Plage, cet été à Bisca. Il fait chaud et vous êtes en vacances à Biscarrosse. Comme l'ensemble des touristes qui ont choisi notre station comme destination, à la plage, en ville, dans les commerces ou au supermarché, adoptez la bonne tenue, au bon endroit. Biscarrosse, vivons mieux ensemble. C'était un message de la ville de Biscarrosse. Connaissez-vous la boucherie Biscabœuf ? Biscabœuf, c'est la boucherie, la charcuterie faite maison à Biscarrosse. Laissez-vous tenter par de délicieuses viandes de qualité et plats cuisinés. Biscabœuf, c'est aussi un service traiteur. Boucherie charcuterie Biscabœuf à Biscarrosse, avenue Lawadi, route de la plage. Ouvert du mardi au dimanche midi. Plus d'infos sur Facebook. Bon appétit. Quand prend l'envie d'un bon burger, d'une viande grillée ou d'un Tex-Mex à Biscarrosse, direction la route 236. 236, comme 236 avenue de l'Atécoère, l'adresse de l'Oncle Sam. Le resto avec sa pure déco US, son bar, ses soirées. L'Oncle Sam, pour réserver, 05 58 78 80 80. Info Facebook, Oncle Sam Saloon. Pour votre santé, bougez plus. Oh là là, vous avez vu ces températures? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Gardglass. Chez nous, votre impact, en 30 minutes, c'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, un aspirateur de voiture, c'est offert. Il est développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 25 août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent un bureau à la hauteur et des prix bien bas pour la rentrée. Comme le bureau Gaspard à 149,99€. Soit 40% d'économie. Conforama, jusqu'au 4 septembre, voir conditions sur conforama.fr. FGL. FGL. FGL. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux. jamais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux, je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi, je veux le voir. Y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. FGL, FGL, il est 18h. La météo avec les spas Giovanni Riboli à Biganos. Pas plus de 15 degrés le soir ou le matin, mais un ciel bleu dû à un soleil omniprésent sur les Landes ces jours-ci. Saint-Amour, c'est aujourd'hui Sainte-Voûte avec un coucher de soleil à 21h18 et un océan peu agité avec micro-houle de nord-ouest de 30 à 40 cm, eau à 22 degrés et air à 35-36 degrés, c'était prévu. Indice UV faible et humidité de l'ordre de 50%. Quel ciel ce jeudi? Un ciel partiellement nuageux avec des minimales plus acceptables, des maximales plus acceptables, comprises entre 25 et 28 degrés. Nous récupérerons bien sûr ces degrés perdus vendredi puisque votre mercure affichera 30-31 degrés avec un taux d'humidité ressenti beaucoup plus fort, avoisinant les 82%. Grisaille samedi et orage possible pour l'instant ce dimanche. FGL, les grands titres de votre journal Région. Avec l'écomusée de Marquèze à Sabre. L'Abeille Vous, c'est notre série éco-responsable avec les spécialistes de notre Maya, la fameuse Maya l'Abeille. Nous reviendrons à ce sujet sur la journée qui lui était consacrée. C'était en juin à Biscarrosse. Gare à l'océan, baigneuse piégée hier en fin de journée. C'était à Vielle Saint-Girons. Et puis le 15 de France à Cabreton. Parlons-en avec des portes qui sont ouvertes, des entraînements qui sont ouvert au public et ça marche plutôt bien. Le journal de la région des Grands Lacs, du Grand Dax et de la Côte Landaise. Hervé Delrieux, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Grosse frayeur à Vielle-Saint-Girons hier vers 17h où une quinquagénaire a été suite à une noyade sortie de l'eau par les sauveteurs. Réanimée après récupération de son activité cardiaque, elle a été transportée sur le centre hospitalier de Bayonne par hélicoptère. Plus que jamais, soyez vigilants. L'océan sera toujours plus fort que vous. Ne sous-estimez pas la nature et cet espace exceptionnel. Et puis, condamnation par le tribunal de Mont-de-Marsan d'un Landais de 36 ans à 4 ans de prison pour détention d'images pédopornographiques et incitation de mineurs, je cite, de moins de 15 ans à des relations sexuelles, à des activités sexuelles. L'ouvrier agricole en intérim, résidant chez son père à La Crabe, un village landais, interférait avec une communauté sur le net. Un homme malade dans sa tête, assurément. À Cabreton, faute de sable, eh bien plage de l'Estacade fermée, avant rechargement de sable par la ville, tributaire, je le rappelle, de la marée. Les conséquences de la forte houle et des forts coefficients de marée de ce début août dans la région. Un phénomène rare pour cette station balnéaire landaise, avec précédent datant de 1969. D'autre part, 4 campings ont été dernièrement victime de vol à La Teste de Buch, Arcachon et Lacano de Mios. 2 coffres-forts ont été donc emportés en l'espace de 2 nuits, notamment dans l'établissement Les Flots Bleus. Peut-être dans un futur proche, un hydravion bombardier d'eau made in Gironde. C'est le projet d'une jeune entreprise de Mérignac à l'horizon 2030-2032. Appelé Frégate F100, il serait, dit la start-up, une alternative aux actuels Canadair. Prix estimé de l'oiseau de fer, 70 millions d'euros pièce. Affaire à suivre avec très certainement une levée de fonds à prévoir. Crise des transports pour la société landaise Transland qui recherche 20 conducteurs. Ces postes sont à pourvoir le plus rapidement possible, bien évidemment. C'est ce vendredi, donc, de 11 à 13 heures. Air Porte des Landes Ouest dans le sens Bordeaux-Bayonne à 63 que se déroulera une opération de sensibilisation Mégo, une initiative du SDIS 40 avec la société d'autoroute Atlanta. FGL, la suite de votre journal, Hervé Delrieux. Et si l'abeille était l'insecte le plus précieux de notre planète ? Oui, à bien des égards, tant Maya est encensée dans un contexte environnemental flou et des plus déroutants. Rétro-reportage ce jour avec la journée de l'abeille et de la forêt qui, mi-juin, se tenait à Biscarrosse, parc du château de Montbrun. La découverte de l'abeille et de son environnement qui ne laisse pas indifférent le propriétaire des lieux, le comte Bernard Dantin de Vaillac, un homme soucieux et inquiet quant à la présence du fameux frelon asiatique. Il faut essayer de trouver un moyen efficace de lutter contre le fléau du frelon asiatique. Il y a des organismes, enfin quelqu'un à Biscarrosse, il y a même plusieurs personnes qui sont équipées pour détruire les nids de frelons asiatiques en particulier. Donc ces gens-là peuvent être capables, lorsqu'on leur signale la présence d'un nid de frelons asiatiques, d'intervenir au mieux. Le deuxième problème, c'est qu'ils sont dissimulés, surtout en la belle saison, dans les feuillages des arbres, on ne les voit pas toujours. Quelqu'un qui relève la présence d'un nid de frelons, quel qu'il soit, le signale simplement à la police municipale, hein, de manière à ce que la police municipale puisse aller contrôler l'existence de ce nid et éventuellement prévenir la personne capable de le détruire. Et si le monde n'était pas au rendez-vous, cette journée aura eu le mérite d'exister grâce notamment à Marcel Touzé, apiculteur organisateur, ce qui n'a pas échappé au porte-parole des Gascons de Biscarrosse, l'érudit Jean-Claude Lacrotte. Une journée comme ça représente une remise en valeur, une recherche sur cette biodiversité dont on parle beaucoup et on ne sait pas grand-chose en fin de compte. C'est tout un ensemble, la forêt est fragile, il faut un certain équilibre à tous les niveaux. On part de la mousse des bois jusqu'aux feuilles des grands chênes et des glandes, tout ça. Il y a toute une ville là-dedans. Mais cette ville-là, c'est notre vie à nous en fin de compte. C'est ça. Et l'abeille, elle permet de faire un équilibre sans s'astreindre là-dedans. Quoi. C'est à protéger au maximum. Inquiet quand même. Inquiet qu'on puisse débroussailler, on va dire, ou nettoyer les forêts, alors que ce sont des périodes où les abeilles trouvent leur nourriture. Le débroussaillage, il faut qu'il se fasse en forêt. Mais pas n'importe quand. On fait ça l'hiver. Ça ne pénalise personne. Les abeilles sont en repos. Alors on débroussaille maintenant, il y a de la fleur partout. Il y a, je ne sais pas, un manque de sensibilité, ou alors certaines personnes ne sont pas en rapport avec... Celui qui sait, celui qui croit savoir, et celui qui devrait savoir. Vétérinaire à la retraite, Claude Cabana était sur place, apiculteur depuis quelques années, ex-président du syndicat apicole de Gironde. Ce passionné des ruches sait le bien fondé de telle journée. Il l'a rappelé à notre micro. Ce qui est important, c'est de faire survivre les abeilles. Et donc toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont les bienvenues. Et Marcel sera un artisan de cette survie si elle se produit. Oui, elle est véritablement en danger. Elle est en danger pour des raisons tout à fait naturelles, enfin, naturelles si on peut dire, de changement climatique. Donc il faut qu'elle s'adapte au changement climatique. Elle est en danger aussi par l'utilisation, mais ça tout le monde le sait, des produits phytosanitaires. Donc il faut, il faut la protéger, il faut légiférer de façon efficace et définitive surtout sur les produits phytosanitaires qui causent énormément de dégâts, pas seulement aux abeilles, mais beaucoup aux abeilles quand même. Une terre sans abeilles, ça serait quoi ? Ben, on attribue à Einstein la fameuse formule que s'il n'y a plus d'abeilles pendant, je sais pas, 4 ou 6 ans, il n'y a plus d'humanité. Donc, c'est peut-être un peu excessif, mais ça donne quand même la mesure. Et que perdrait-on ? C'est là que s'ouvrent toutes grandes vos oreilles, nos oreilles, tant la perte serait énorme. On parle ici de notre propre disparition. On perdrait toute la pollinisation nécessaire de nombreuses plantes qui servent à l'alimentation humaine. Et puis ce serait une perte irréversible et gravissime pour la biodiversité. Peu de public en effet, mais un public averti comme Alicia et Arnaud qui avaient, il est vrai, de très très bonnes raisons d'être là. C'est pour les petites, pour les Yana, pour leur permettre de découvrir un peu de nouvelles choses. Et les Yana, elle est en école à la maison en plus, donc on aime bien lui faire toutes les activités qu'il y a autour pour lui apprendre. Elle est petite, elle a 4 ans, donc voilà. Bon après, je pense que les abeilles ont commencé à avoir fait pas mal le tour. On sait où est le problème en France. On sait ce qu'il faut faire pour agir, mais après voilà, ça ne dépend pas que de nous encore une fois. Sensible à cette érosion, Alicia, des abeilles ? Oui, oui. Ben nous on est, après nous on est sensible à un peu tout ce qui touche la planète, donc que ce soit écologie ou autre. Donc oui, et puis c'est pour transmettre à nos enfants aussi, donc c'est important. Nous reviendrons sur cette fameuse journée ultérieurement, tant la subsistance de notre amie l'abeille demeure un vrai sujet de préoccupation. Elle a la cote comme FGL, elle, c'est la carte postale, la fameuse carte postale qui place la Nouvelle-Aquitaine, notre région, comme vice-championne de l'envoi de ce sympathique carton, derrière la Bretagne et devant PACA. Parmi les destinations les plus populaires figurent Biscarrosse, Seignos, Arcachon ou encore le Cap Ferré et le Pays Basque. L'appli Feezer permet de personnaliser la carte avec ses propres photos et son texte, comme quoi vivre avec son temps a parfois des parfums vintage, sachant que la carte postale a 150 ans, messieurs, dames. Musée des traditions de Biscarrosse, journée du patrimoine. Elle est programmée ce 17 septembre de 10 à 18 heures avec tableau vivant, recréant des scènes d'autrefois et animation dans l'Arial, plus une exposition de peinture sur le thème des Landes tout le week-end. D'autre part, festival du mariage programmé à l'Arcanson Biscarrosse, ses 4 et 5 novembre prochain. Billetterie ouverte et nous vous le rappelons pour la nouvelle édition en Biscarrosse de Rue des Étoiles, le festival du cirque contemporain organisé par le centre de rencontre et d'animation de Biscarrosse et du Born. Attention, passe à activer uniquement jusqu'au 18 août, Rue des Étoiles 25e édition. C'est du 25 au 28 août prochain, Lac de la Técouère avec atelier de sensibilisation à destination des enfants animé par The Sickener. FGL, l'actu sport. Rugby, outre le stage de l'équipe de France à Cabreton, stade Maurice Boyeau de Dax, rencontre ce jeudi à 18h entre l'UBB et le stade Rochelet. Une très très belle affiche, même si c'est une affiche amicale. Football à suivre ce lundi 14 août, la seconde journée de Ligue 2, où Bordeaux devra remettre sa tête et ses pieds à l'endroit, en battant par exemple Concarneau au Madmut Atlantique. Coup d'envoi à partir de 20h45, alors que le FC Pau aura joué quand à extérieur la veille. FGL, l'agenda de la rédaction. Notons jeudi, demain jeudi à Biscarrosse au musée des traditions, des ateliers d'histoire courte avec l'écrivaine Isabelle Comte, atelier avec les dentelières de la Bouère le 17. Ce 19 août, c'est un cartel 100% français qui à Mimizan fera face à des taureaux de Rosécrous. Dans les arènes de la plage, c'est une corrida. Pour Mimizan jusqu'à samedi, c'est médiathèque à la plage, derniers instants de 11 à 18 heures, le long du courant côté nord avec des lectures pour enfants jusqu'à ce soir à Biscarrosse. Carrosse, bibliothèque vue sur la mer jusqu'au 26 août, mais actuellement et ponctuellement fermée pour consolidation du site du lundi au samedi de 11 à 19h, plage sud. Atelier donc demain jeudi peut-être, puisque d'autres dates sont prévues les 17 et 24 août prochains. Rappelons aussi la belle initiative du bus des Férias pour des déplacements en toute sécurité lors des festivités estivales. Précisons qu'après Parentis, il desservira les communes de Dax de vendredi jusqu'au 15 août et de Mimizan du 24 au 27. Et puis traditionnel cocktail de fin de saison, on connaît la date pour les forces vives de Biscarrosse, ce 30 août dès 19h30, salle M-Note à la plage. L'occasion avec Hélène Larosé, maire, de dresser les premières tendances de votre saison estivale dans la station balnéaire. Voilà pour l'essentiel de votre information. Bon vent à tous. L'actu continue sur fréquencegrandlac.fr et sur nos réseaux sociaux. FGL, retrouvez nos podcasts du jour et partagez. FGL. Vous rêvez d'un spa ou d'un spa de nage? Venez nous rencontrer. Les spas Giovanni Riboli, leader sur le bassin et le nord des Landes, vous proposent toute une gamme de spas ou spas de nage. Spa Giovanni Riboli, le bien-être par excellence, à découvrir dans notre showroom, 41 route des Lacs, à Biganos. Quand prend l'envie d'un bon burger, d'une viande grillée ou d'un Tex-Mex à Biscarrosse, direction la route 236. 236, comme 236 avenue de la Técouère, l'adresse de l'oncle Sam. Le resto avec sa pure déco US, son bar, ses soirées. L'oncle Sam, pour réserver, 05 58 78 80 80. Info Facebook, on Oncle Sam Saloon. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour les terriens. Voici mon astuce de super-héros pour faire des économies. Je vais au marché aux affaires des Biscarros. Il y a tout pour la maison au meilleur prix. En plus, en ce moment, tous les articles de saison sont là. Barbecue, transat, piscine et accessoires, voile d'ombrage, parasol, tonnelle, salon de jardin, articles de plage et la marque Hesperide. Marché aux affaires, c'est moins cher et c'est tout le temps ouvert, 7 jours sur 7. Marché aux affaires, zone commerciale Super U de Biscarros. Magazine Ici Mag, votre mensuel 100% info locale. À la une ce mois-ci. À la découverte du château de Woulsac, les petits secrets de la course landaise, les dunes littorales, remparts face à l'océan, l'agenda des principaux événements, les jeux de l'été pour petits et grands, le quiz du mois et bien plus encore. Ici Mag, c'est aussi une agence de communication, publicité, support imprimé, site internet. Magazine Ici Mag, disponible gratuitement chez nos partenaires commerçants et sur icimag.fr. Il était une fois un jeune homme accompagné de son portefeuille magique qui pouvait parler. Eh oh, c'est trop cher, je suis vidé moi ! Clamait-il toujours haut et fort. Alors le jeune homme opta en entrée pour les avocats à 2,29€ le filet de 6 chez Aldi. Alors, on t'entend plus le porte-monnaie ? Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, variété As, origine disponible sur Aldi.fr, offre valable jusqu'au samedi 12 août, info sur Aldi.fr. Rentrédiscount.com. Non mais tu crois que c'est le moment de faire de la musique avec ta fille ? Et le supermarché pour les fournitures scolaires ? Tout est déjà plié, cliqué, envoyé sur rentrédiscount.com. Yeah ! Eh oui, sur rentrédiscount.com, faire sa rentrée n'a jamais été aussi simple. Maxi choix, prix mini, 3 fois sans frais et plus de 1000 modèles de sacs scolaires. Ok ! 1, 2, 3 Rentrédiscount.com. Rentrédiscount.com, du bonheur pour toute la famille. Choisissez, commandez, profitez. Nouveau à Biscarros Plage, le 6 Oriental, restaurant marocain. Parce qu'on a toujours envie d'un délicieux couscous ou tagine. Le 6 Oriental vous accueille sur place ou à emporter. Le bon repas marocain qui embellit les vacances, c'est au 560 avenue de la plage. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Plus d'infos sur Facebook. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Si je vous dis que pour la rentrée des classes, pour deux cahiers Coverbook Clairefontaine achetés, le troisième est offert. Et c'est valable sur tous les cahiers Coverbook Clairefontaine vendus à l'unité. Alors, je vais prendre rouge pour l'histoire et vert pour la géo. Ou l'inverse. Et c'est jusqu'au 27 août chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Différents coloris, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détails sur carrefour.fr. Chez Stokomanie, on se bat pour une rentrée à petit prix. Et là, jusqu'au 20 août, c'est le moment de rhabiller les enfants. Deux t-shirts plus un bas à seulement 7,99€. 7,99€. Deux t-shirts et un bas pour être tout beau, tout propre à la rentrée. Couchez les prix. Stokomanie. Des marques. Des prix. Leclerc. Joker. Hein ? Les barres de céréales Nestlé, là, c'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lion, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là ? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon ? Non mais moins 66% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker ! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. FGL. FGL. Showing.

just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Amy, cet été, c'est nous les cobayes, là. Cobayes? Mais qu'est-ce que tu dis? Attends, parce que tu veux plus tester, là? Mais tester quoi, Jules? Mais tester tout, les échasses, les labyrinthes, les férias, les animations landaises, quoi. Ça y est, il a mis ses deux pieds dans les Landes, il veut tout essayer. Parce que tu crois que j'ai que ça à faire? FGL. Les mercredis, entre 16h et 18h, on prend le risque de les perdre. Et de vous perdre, Émilie et Juju. C'est avec On a testé pour vous que l'été s'annonce très compliqué. Et vous écoutez FGL, la radio qui a la côte. Tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dans ce journal, on reviendra sur le terrible incendie qui a ravagé un bâtiment de Witzenheim dans le Haut-Rhin. Il hébergeait une trentaine de personnes en situation de handicap. 11 sont décédées dans les flammes. Et puis, à la fin de cette édition, on évoquera la reprise de l'OM. Marseille se déplace en Grèce ce soir sur la pelouse du Panathinaikos. Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Le drame s'est joué en quelques minutes. Un gîte accueillant pour les vacances une trentaine de personnes en situation de handicap a pris feu ce matin à Witzenheim dans le Haut-Rhin. Il était environ 6h30. Les pompiers sont intervenus rapidement après le départ des flammes, mais la structure avait déjà été quasiment entièrement détruite et le bilan est très lourd ce soir, Lucie Lefebvre. Oui, 11 morts, c'est le bilan de ce terrible incendie, des victimes qui ont été piégées par les flammes. Selon le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, elles se trouvaient toutes à l'étage de ce bâtiment en bois qui s'est embrasé en quelques minutes et n'ont pas pu ressortir du gîte, contrairement aux personnes qui étaient au rez-de-chaussée et qui ont pu rapidement quitter les lieux. Au total, 17 personnes ont été évacuées. Elles sont toutes saines et sauves, à l'exception d'une personne qui se trouve ce soir en urgence absolue. Elle a été transportée vers l'hôpital. Et concernant l'origine de l'incendie, que sait-on exactement, Lucie ? Eh bien, il est encore trop tôt pour le dire. Ce que l'on sait, c'est que le bâtiment est une ancienne grange rénovée en gîte de 500 mètres carrés avec deux étages et des combles. L'incendie a été particulièrement violent. Le bâtiment a rapidement et quasiment été détruit par le feu. Un feu qui s'est déclaré au premier étage selon les pompiers. Pour le moment, aucun élément concret ne permet de déterminer les causes de ce drame. L'enquête qui a été ouverte devra le déterminer. À noter que des auditions vont être programmées pour permettre d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Et parmi les personnes entendues, la propriétaire du gîte, extrêmement choquée, c'est elle qui a déclenché l'alerte, selon la vice-procureure de la République de Colmar. À noter enfin que la première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place cet après-midi pour apporter son soutien aux familles des victimes et aux secours. Dans le reste de l'actualité, plus qu'un jour pour déclarer vos biens immobiliers. La date limite, qui a été repoussée plusieurs fois par le gouvernement, est fixée à demain soir. Problème, impossible de se connecter sur le site des impôts. La plateforme est victime une nouvelle fois d'une panne technique. On ne sait pas quand elle sera réparée. Direction le bassin d'Arcachon où la police appelle les vacanciers à la vigilance après une série de cambriolages dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont visé tout particulièrement les campings de la région. De l'argent mais aussi du matériel ont été dérobés à la Teste de Buch ou encore à Lacanau. Une enquête a été ouverte. À l'étranger, deux semaines après le coup d'état au Niger, le régime militaire qui a pris le pouvoir accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien du pays. Elle avait été décidée face à la menace d'une opération militaire de la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doit se réunir une nouvelle fois demain lors d'un sommet pour décider de la suite des événements. Un mercure qui grimpe jusqu'à 44 degrés, la canicule frappe le sud de l'Europe, l'Espagne est particulièrement touchée, une douzaine de provinces ont été placées en alerte rouge par les autorités, notamment l'Andalousie et la région de Madrid. Situation également très préoccupante au Portugal, où la chaleur et le vent ont accéléré la progression des incendies. Plus de 15 000 hectares ont été détruits ces derniers jours. L'Italie corrige le tir pour calmer les marchés. Le gouvernement de Giorgia Meloni avait annoncé hier son intention de taxer à hauteur de 40% les superprofits des banques. Objectif, compenser le coût pour les ménages et les entreprises de l'envolée des taux d'intérêt. Réaction immédiate à la bourse qui a plongé dans la soirée. La coalition de droite et d'extrême droite a depuis fait marche arrière. Elle a finalement décidé de plafonner la taxation à 0,1% des actifs. On passe au sport, le foot, c'est en Grèce que Marseille lance sa saison ce soir. Les Olympiens affrontent le Panathinaikos dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Une rencontre sur le papier abordable pour les Phocéens, mais il faudra se méfier, d'autant plus que Marseille est encore en rodage malgré sa préparation, comme l'explique l'entraîneur de l'OM, Marcelino. Nous devons être prêts, nous sommes une équipe en construction. Nous avons passé un mois et quatre jours ensemble et si j'avais la possibilité, le match n'aurait pas été joué si tôt. Mais je savais depuis le début que ce serait ainsi. Notre mentalité reste de faire le maximum pour obtenir un bon résultat pour que la qualification se joue lors du match retour au Vélodrome. Panathinaikos Marseille, coup d'envoi de la rencontre à 20h. Le football, c'est aussi l'équipe de France féminine qui prépare son quart de finale de Coupe du Monde. Les Bleus sont arrivés à Brisbane, camp de base des Australiennes, leurs futurs adversaires et co-organisateurs de la compétition. La rencontre aura lieu samedi matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée. FGM. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. We'll be right back. All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smarty when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Emeleme, ulo mama, honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone. Oh no, no. What it feel like, what it feel like. Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Hold on to me. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. Me to the phone, yeah. Messing with my medulla, I can't talk alone. Oh no, no. Il y a celles et ceux qui adorent décorer leur intérieur, poser une étagère par-ci, construire une cloison par-là. Il y a celles et ceux qui, au premier rayon de soleil, sortent aménager leur jardin, faire des plantations. Et il y a nous, le Bricobati Center de Biscarrosse, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de bricoler et d'aménager. Débutants ou passionnés, nous vous proposons un large choix de produits avec des promotions tous les mois en magasin. Briconaute Bati Center, ouvert du lundi au samedi, centre commercial Super U à Biscarrosse. Le Grand Hôtel de la Plage, adresse emblématique de Biscarrosse, vous présente son restaurant gastronomique. Avec sa nouvelle carte et son menu retour du marché, notre maître restaurateur vous fait découvrir des saveurs de saison tout au long de l'année. En surplomb de l'océan sur la terrasse en pin des Landes ou dans la salle au design raffiné, vous passerez un moment délicieux avec vue sur la mer. Restaurant gastronomique du Grand Hôtel de la Plage, à Biscarrosse Plage. Bon alors, faut que je passe à la parapharmacie, ensuite le pressing, la presse et je finis par les courses. Oula, t'as un GPS pour te guider, j'espère. Ah, pas besoin, tout est au même endroit. L'hypermarché Leclerc, Biscarrosse. Plus d'espace, plus de choix, plus de produits, plus de confort. Et toujours après Leclerc. Le bon chemin au quotidien, c'est celui de votre hypermarché Leclerc Biscarrosse, zone commerciale des Grands Lacs. Land d'émotion, un spectacle unique à voir cet été. 100 artistes, 40 animaux, 2 heures de spectacle authentique pour vous immerger au cœur des traditions landaises. Aussi émouvant que spectaculaire, Land d'émotion vous fera vibrer en famille dans les plus belles arènes du Sud-Ouest. Réservez votre soirée. Programme et ville étape sur land-émotion.fr. Retrouvez Land d'émotion ce jeudi 10 août aux arènes du courant de Mimizan. Un projet de construction, d'agrandissement, de rénovation? Et si vous passiez par une coopérative? La coopérative artisanale Océane regroupe depuis de nombreuses années des artisans de tout corps d'État, habitués à réaliser ensemble des maisons et des chantiers de rénovation. C'est simple, nous assurons le suivi et la coordination de vos travaux avec un vrai contrat de construction de maison individuelle. Une aide précieuse et un chantier à prix maîtrisé. Contactez la coopérative artisanale Océane au 05 58 78 36 29. 05 58 78 36 29. Yes! Rentrez-discount.com. Maman, papa il est dans le camping-car, je crois qu'il a complètement craqué. Mais non, ton père est allé sur rentrez-discount.com. Du coup, on a tout commandé, même tes cahiers Clairefontaine préférés. Et oui, sur rentreediscount.com, toutes les fournitures scolaires sont au prix le plus bas. Même le cahier Clairefontaine Polypro à 79 centimes. Du coup, fais tes valises, on retourne en vacances.

messiah. Break down the walls to connect, inspire. Open all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the lions. Choquer ton papa. Jolie maison, joli boulot, mais y'a quelque chose qui va pas. Tu veux paraître plus que parfaite, mais plus que ça tu peux pas. T'aimerais connaître le mec parfait, ma chérie, ça n'existe pas. Tu rêves d'amour et de passion, ma chérie, qu'est pas ça. Tu veux créer des tensions, j't'en prie, fais pas ça. Aïe, aïe, aïe, c'est que l'amour c'est compliqué. Bye, bye, bye, comme Shakira compte piqué. Ne me dis pas que t'es fatigué déjà. T'as l'air d'aller comme ci comme ça. Je mens pas, ton cœur c'est déjà que tu fais palpiter les gens. Je te dirais bien que c'est tentant, mais en ce moment j'ai pas ton temps. Je te parle franchement sans être méchant. On va leur dire tout en chantant. Aïe aïe aïe, c'est que l'amour c'est compliqué. Une sortie vacances originale. Le labyrinthe de maïs de Gast. Amusement assuré pour petits et grands. Retrouvez votre chemin dans notre parcours de maïs. Et grâce au quiz adapté à votre âge, devenez la championne ou le champion de la famille. Un cadre naturel et des jeux pédagogiques ouverts 7 jours sur 7. À 10 minutes de Mimizan et Parentis sans borne, accessible facilement, même à vélo. Info sur labyrinthegast.fr. Histoire 2, restaurant bar cocktail à Port-Magny de Biscarrosse. Un accès direct à la plage. Une table perchée dans les arbres, des terrasses, un jardin avec vue sur le lac. Histoire 2, un coin de paradis à partager midi et soir. Savourez notre cuisine créative et gourmande dans une ambiance cosy. Histoire 2, Biscarrosse. Ce jeudi 10 août dès 19h, soirée avec DJ Chris et un dress code, strass et paillettes. Vous avez un projet de construction? Les équipes Demeure Côte d'Argent à Parentis proposent des maisons personnalisées, évolutives et performantes. Demeure Côte d'Argent, le choix d'un constructeur de qualité certifié NF Habitat haute qualité environnementale. Nous construisons votre maison comme si c'était la nôtre. Demeure Côte d'Argent, 255 avenue du 8 mai 1945 à Parentis, route de Mimizan. Info demeure-côte-d'argent.com et au 05 58 08 06 60. Jusqu'au 31 août, venez profiter d'une remise exceptionnelle à partir de 3000 euros offerts, voire conditions en agence. Quand vous avez un bris de glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 25 août, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr. Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Optique 2000 Nicolas Mathieu, une nouvelle vision de la vie. Vos lunettes ont plus d'un an? Ressentez-vous une gêne pour regarder la télévision, la lecture, le bricolage? Passez nous voir. Test de vue gratuit sur rendez-vous. Optique 2000, c'est aussi la qualité des verres Essilor sur 100% de nos équipements. Même la seconde paire à 1 euro. La garantie verre Essilor, casse rayure changement de vue. Tiers payant toute mutuelle. Les grandes marques de montures, Oakley, Ray-Ban, Nathalie Blanc, Tom Ford, Etnia Barcelona, JF Ray, avec des promotions jusqu'à moins 30%. Optique 2000, tous les sports à la vue, c'est possible. Optique 2000 se déplace à domicile sur rendez-vous. Nos opticiens se dépassent pour votre vue. Optique 2000, Nicolas Mathieu, du lundi au samedi, avenue de Bordeaux à côté du Crédit Agricole à Mimizan, centre commerciaux Superhumor 5 et Intermarché Parentis. Optique 2000, on va se revoir. Leclerc. Joker. Hein? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lion, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon? Non mais moins 66% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Hé papa, et si cet après-midi nous allions au lac, à Maguide? Il y a plein d'activités pour toute la famille. Des pédalos, des toboggans et même l'aquapark. Eh, c'est une bonne idée mon chéri. Et pendant que tu t'amuseras, papa fera du paddle. Et maman alors? Moi? Eh bien, un petit cocktail, un transat sur la plage, un massage et c'est parfait. À Port-Maguide Biscarrosse, tout est réuni pour que vous passiez un agréable moment. De l'activité nautique au jeu terrestre, au sound, trampoline, ski, wake, flyboard, canoë. Retrouvez-nous à l'Idyl Plage. Découvrez le club Mickey et le surfoil électrique. Surprenez vos amis, votre famille, l'équipe de votre entreprise avec une sortie super sympa et originale. Les croisières de la Compagnie des Lacs. Quittez la terre ferme et offrez-vous une sortie festive sur les lacs à Biscarrosse. Croisière repas, croisière apéritive, privatisation du bateau, des formules conviviales pour tous les goûts tout près de chez vous. Pensez-y. Info sur compagniedeslacs.fr et sur Facebook. Bienvenue à bord. Matsuki. Découvrez la fraîcheur de nos sushis à Mimizan, Biscarrosse Bourg et maintenant Biscarrosse Plage. Profitez chez vous du meilleur de la gastronomie japonaise. Avec Matsuki Shop, appelez, commandez vos plateaux, boissons et desserts préférés ou emportez directement sur place. Sushi, pokeball, maki et un large choix d'épiceries. Matsuki, toutes les saveurs de l'Asie. Dans la halle gourmande, 210 avenue de la plage. Ouvert tous les jours. Réseaux sociaux, Matsuki Japanese Food ou Matsuki Shop. Pour votre santé, bougez plus. FGL. FGL. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repoussé la faune, compliqué les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.

it so body back wide. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind and go down again. Wind up, go down. Twist your body back wide. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Chaperon rouge qui partait pique-niquer en forêt sous un beau soleil. Soudain, elle se demanda « Mais comment vais-je faire pour garder ma tarte bien au frais ?» Sa mère grand lui dit alors « Mais attends, ma petite, prends donc le panier de courses isotherme à 7,99€ chez Aldi. » « Dis donc, mère grand, trop fraîche ton idée ?» Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve et les repère. Et Mireille qui aime le soleil. Chin Chin Dafflelou, ce n'est pas une mais deux paires de plus pour 1€ de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la troisième paire de lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Flelou. Exclusivement chez Alain Flelou jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Retrouvez vos magasins Flelou à Biscarrosse, centre commercial Leclerc et à Mimizan en face de Sport 2000. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Lâche-moi la grappe, tu veux ? Ah, j'aimerais bien, mais la question grappe, en ce moment, ils font la barquette de raisin de 750 grammes à 1,99€. Quoi ? moins de 2 euros la barquette de raisin. Ils ont vraiment un grain. Et nous, un gros pépin. Eh oui, on est l'empêtrin. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 2,65€ le kilo, catégorie 1. Variété Liva, Lavallée ou Prima selon arrivage. Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Louise Garat Planès au restaurant du Casino de Biscarrosse. Jeudi 10 août dès 20h30, dîner-concert avec le groupe Louise Garat Blanes. Passez une soirée au rythme des reprises d'Estopa, Manu Chao, Sergent Garcia et bien d'autres. Ce jeudi 10, au restaurant du Casino. Réservation sur place ou au 05 58 78 26 99. Souvent, c'est agréable de se faciliter la vie. Ça tombe bien, Leclerc Mimizan est là pour ça. En un seul lieu, vous y trouvez tout ce qu'il faut pour la famille et les loisirs. Hypermarché alimentaire, textile, parapharmacie, mais aussi centre culturel, audiovisuel, informatique. Facile, pratique et bien sûr, à prix Leclerc. Qui dit mieux ? Leclerc Mimizan à votre service toute l'année. Nouveau à Mimizan-Bourg, le Drive Leclerc est ouvert. Faites vos courses en ligne et venez les récupérer du lundi au samedi de 9h à 19h30. Charlet Nautique, Charlet Nautique, un choix fantastique. Charlet Nautique, c'est 300 bateaux, moteurs, remorques, neufs et d'occasion exposés à Port Maguy de Biscarrosse. Concessionnaire Quicksilver, Mercury, Bayliner, Bavaria, Zodiac. Charlet Nautique, c'est aussi la location. 40 bateaux à votre disposition avec ou sans permis, ainsi que des skis nautiques, wakeboard et bouées. Plus d'infos au 05 58 09 85 85 ou sur charletnautique.com. Chez Stokomani, on se bat pour une rentrée à petit prix. Et là, jusqu'au 20 août, c'est le moment de rhabiller les enfants. Deux t-shirts plus un bas à seulement 7,99€. 7,99€, deux t-shirts et un bas pour être tout beau, tout propre à la rentrée. Couchez les prix. Stokomani. Des marques. Des prix. FGL. FGL. Regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt mère. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul.

Télé. Ce soir sur TF1, la comédie 20 ans d'écart avec Pierre Ninet, Virginie Efira. Alice, divorcée, mère d'une petite fille, est une journaliste très perfectionniste du magazine de mode Rebelle. Mais Lise, concurrente plus jeune et arriviste, monopolise depuis quelque temps l'attention de Vincent, son rédacteur en chef. Quand après plusieurs quiproquos, la blogosphère est convaincue qu'Alice vit une aventure avec Balthazar, un étudiant de 20 ans son cadet, la journaliste décide d'en profiter pour rajeunir son image. Découvrez ces people qui se moquent de la différence d'âge. France 2, les héritiers. France 3, la carte au trésor est dans l'Estérel. Canal, la petite bande. M6, les traîtres. Sur C8, inspecteur Barnaby. W9, la qualif de la Ligue des champions de football avec le Panathinaikos face à l'Olympique de Marseille. TMC, la comédie casse départ. Et puis enfin, tiens, sur Arte, Bourville dans la grande lessive. Je vous laisse faire votre choix et par avance, une excellente soirée devant votre télévision. Le programme télé. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light.